arrêter tout, arrêter de jouer. Passons à quelque chose de plus concret. On va finir, tu sais, par se brûler. Un nouveau sens à nos émotions. Viens, on refait le monde, pas qu'en chanson. De nous deux, qu'y a-t-il de fou, de vrai? Et si on s'expliquait, car je te vois hésiter. Alors qu'on a demain, si c'est une éternité. Toi et moi, à l'avenir ne le dira. Ensemble ou pas, à l'avenir sera dur ça. Toi et moi, à l'avenir ne le dira. Ensemble ou pas, à l'avenir sera dur ça. Plus profond, nous discutons. Pas donné le choix de nous abandonner. C'est sûr, elle ne t'a pas encore quitté. Elle s'est tout simplement éloignée. Et quand elle vient, ton corps à se manifester. Je te vois bouleversé et tout émotionné. Et de nous deux, il reste le passé. Ah oui, car toi et moi, à l'avenir nous le dira. Ensemble ou pas, à l'avenir sera dur ça. Toi et moi, à l'avenir nous le dira. Ensemble ou pas, à l'avenir sera dur ça. Entre nous c'est du lourd ou pas, oui. C'est à toi de décider tout ça. Ne laisse pas la fatalité, ne serait-ce pas plutôt de la facilité. Dire que tu t'es trompé, quelque chose entre vous qui a mal fonctionné. Et tu tiens encore à la garder, et en même temps de moi tu veux bien profiter. Toi et moi, ensemble ou pas, ensemble ou pas. Toi et moi, ensemble ou pas, ah, ah, ah, toi et moi, ensemble ou pas, bah, bah, bah, poudou, ah, toi et moi, l'avenir nous le dira, ensemble ou pas. L'avenir sera dire ça, ah, toi et moi. L'avenir nous le dira, ensemble ou pas. Ah, l'avenir sera dire ça, ah, toi et moi. L'avenir nous le dira, ensemble ou pas. L'avenir sera dire ça, ah, ah, ah, toi et moi. L'avenir nous le dira.